Le comité préparatoire pour le 105e anniversaire de naissance du camarade Kim Il-sung, grand leader, est constitué à l'Association d'études des adjudicés de Russie. Le comité a décidé d'organiser des activités de propagande et séminaires sur sa vie révolutionnaire sacrée et ses exploits à l'occasion du 15 avril, Journée du Soleil.